Question 10. La signalisation indique un site touristique. Réponse A. Un lieu dit. Réponse B. Un cours d'eau. Réponse C.